Versailles. Ouja, apporte-nous la justice. Oui, oui, la justice. Montre-nous le chemin pour tout le monde. Tout ah oui, hey. Le monde entier est en crise, mais on ne fait rien. Les nations les plus riches font ça pactise, mais on ne fait rien. Les politiciens patriotisent ce mal, mais on ne fait rien. Hypocrisie de mise partout, l'on passe, mais on ne fait rien. Beaucoup de gens en mauvaise mine, mais on ne fait rien. Ceux qu'ils avalent les contaminent, mais on ne fait rien. D'autres souffrent et meurent de famine, mais on ne fait rien. Beaucoup attendent qu'on les ranime, mais on ne fait rien. Des millions d'enfants meurent dans les rues, mais on ne fait rien. Des parents pleurent l'enfant qu'ils ont perdu, mais on ne fait rien. Cette famille séparée, tout le monde la vue, mais on ne fait rien. La folie plane dans nos rues, mais on ne fait rien. Car oui, rien de bien, non, rien de rien, il ne restera rien. Rien de bien, non, rien de rien, rien pour le beau, rien pour le sympa, même ce refrain, non. Rien de bien, rien de rien, il ne restera rien. Rien pour le beau, rien, rien pour le sympa, même ce refrain. Car oui, le poison coule dans les mers et les rivières, mais on ne fait rien. Les poissons meurent pas simplement que d'air, mais on ne fait rien. Les plantes et arbres de la terre sont décimés, mais on ne fait rien. La nature est souillée comme l'atmosphère, mais on ne fait rien. La guerre n'est pas enlevée du dictionnaire, mais ça ne fait rien. Les armes sont en vente libre partout où l'on passe, mais ça ne fait rien. Les drogues rapportent de la monnaie en quantité, mais ça ne fait rien. Des pères, des mères, des enfants sont prostitués, mais ça ne fait rien. Des menteurs interprètent la Bible à la messe, mais ça ne fait rien. Des criminels détournent les versets du Coran, mais ça ne fait rien. Des hypocrites manient le verbe sur les ondes, mais ça ne fait rien. La croix gammée en consultation sur le net, mais ça ne fait rien. Oh non, non, rien de bien, non, rien de rien, il ne restera rien. Oh, pas même pour le beau rien, pas même pour le saint, pas même ce refrain. Non, rien de bien, rien de rien, il ne restera rien. Non, non, rien pour le beau rien, rien pour le saint, pas même ce refrain. Des contrats de plusieurs millions devant nos yeux, mais ça ne fait plus rien. Encore des innocents en prison, mais ça ne fait plus rien. Raël et ses clowns partent en mission, mais ça ne fait plus rien. Sharon, Bush, Ben Laden, les autres, ça ne fait plus rien. Collé honnête à longueur de journée, mais ça ne fait plus rien. Radio, télé, 6 mètres, mais ça ne fait plus rien. Déconnecté de la planète, en fait, ça ne fait plus rien. Tout va péter dans moins d'un siècle, mais c'est seulement demain. Non, non, non, rien de bien, rien de rien, il ne restera rien. Alors, rien pour le vaut rien, rien pour le saint, pas même ce refrain. Apporte-nous ta justice, justice, oui la justice, la justice, yes. En ce nouveau millénaire, la justice de Justin, pour avancer pour tous les pères, les mères, les sœurs, les frères, tous les créatures de la terre.